Hey, salut! Vous vous portez bien, les schizos? C'est Schizopod numéro 8! Déjà numéro 8! Au micro, Christian Jodoin, Marc Jodoin et Marc Latrémouille. Yo. Vous êtes bien sûr dans l'antre du n'importe quoi où on y trouve de tout, même de la puanteur. Parce que nous sommes aujourd'hui en direct d'un container à vidange en pleine ruelle de New York City. Nous sommes ici pour étudier et observer les rats. Marc Latrémouille. Oui. Qu'est-ce que t'as à dire? J'ai pas beaucoup de déchets, moi. Depuis qu'il y a du recyclage et du compost, là, j'essaie d'avoir le moins de déchets possible. Ouais, Marc Latrémouille parle de ses déchets parce que je leur ai dit apporter des déchets pour appâter les rats. Fait que qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Dans mon sac, ben, il y a un vieil oreiller ici, là. Comme tu peux voir. Parce que tu penses que les rats vont manger l'oreiller? Non. Ben, fallait apporter un sac pour nourrir les rats. Ben oui, ça? Pour les attirer, ma face de rat. OK. Ben attends, je vais aller chercher un vieux poulet, là. Je vais aller chez Kentucky, je vais en manger à moitié, puis... C'est-tu bon, ça? C'est excellent, ça, je pense. Ça mange-tu du poulet, les rats? Tu verras. Je pense que oui. Tu verras. Ah, je comprends pas. Tu verras. Quoi? Ah, verra. Toi, qu'est-ce que t'as dans ton sac? Ben, moi, j'ai apporté une carte de la ville de Québec. Là. Je me suis dit, pour bouger à New York, pour trouver des rats, il y en a plein à Québec. Non, moi, j'ai apporté, premièrement, j'ai apporté les trois meilleurs aliments... que les rats préfèrent, des œufs brouillés, macaroni au fromage, puis des patates. Macaroni, c'est-tu du crab dinner? C'est ça que j'ai apporté. Puis, j'ai laissé faire les trois aliments qu'ils aiment le moins, qui sont les prunes, les choux cuits et les pommes. Donc, si vous détestez vraiment les rats, ben apportez-vous un magasin de prunes, puis vendez-en. Mais non, c'est ça, j'ai décidé de faire ça... qu'on soit dans ce container-là puant, parce que je lis un livre super intéressant. Le livre « Rats » de Robert Sullivan, qui a écrit environ 10 ans. Donc, les statistiques sont pas Il est en anglais, ton livre, en français? Il est en français. Ah, cool. Fait que, c'est ça, rapidement, là, dans ce livre, je vais pas dire exactement qu'est-ce qu'il y a, je l'ai pas fini, mais tu sais, dans ce livre-là, il y a des observations, il s'est vraiment implanté dans une ruelle pour observer, il observe les comportements, c'est sûr qu'il y a des faits, des chiffres, des anecdotes, les contre-coups de la présence des rats, évidemment, parce que c'est un véritable fléau, là, c'est ridicule, les rats à New York... l'historique, les déchets, tu sais, c'est évidemment les déchets qui attirent les rats, puis New York, ben il y a une historique de déchets assez horrible, il y a eu des grèves, puis les déchets se sont amassés longtemps, il y a eu des combats de chiens puis de rats dans le temps, puis on parle bien sûr du métier d'ératiseur qui évidemment va prospérer longtemps parce que les rats sont là pour rester. Ah, ma face de rat. Est-ce qu'il a pu observer chez les rats s'il y avait un genre de hiérarchie quelconque? Je suis pas encore rendu là, mais je sais que je pense que oui, parce que des fois on peut voir les rats se suivre à la queue leu-leu. Oui. Ils sont toujours en train de se tenir près des des murs, sont jamais dans le centre de la rue, là. T'sais, ils vont tout le temps être en train de longer un mur. Puis, souvent le premier, ça va être le plus fort. Mais c'est sûr que pour la hiérarchie, les plus faibles, t'sais, ils t'offrent pas longtemps, là. Si tu vois un rat le jour, c'est probablement un des plus faibles. Parce que les plus forts se nourrissent le soir. Les petits, autres, ils restent dans leur antre, là, dans leur petite cachette. Puis ils sortent le jour. Puis c'est eux autres qu'on voit, puis c'est supposé être les plus faibles, eux autres. Et parles-tu du rat le plus gros qu'ils ont pu mesurer jusqu'à aujourd'hui? Non, je suis pas encore rendu là. Je sais qu'on dit que les rats, c'est laid, dégueulasse, les écureuils, c'est cute, mais ça vient de la même origine, en passant, là. Les rats et les écureuils. Ben, c'est des rongeurs, des gens partants. Ils ont le même ancêtre. OK, mais... je veux dire, c'est sûrement moins... c'est pas l'écureuil, je veux dire, ça a pas causé autant de problèmes que... Non, puis ils ont pas de parasites sur eux, comparé à mon rat qui se promène dans les égouts. Ouais, c'est ça. Ils sont tout le temps dans les égouts, puis le mythe, là, du rat qui sort de la cuvette, là, la toilette, c'est vrai, là. T'sais. Ben, tu viens de dire que c'est un mythe. Non, le mythe, tu sais, les légendes urbaines, il y en a qui disaient que c'était une... Bon, en tout cas, c'est ça, Castor, il y a les fameuses trappes, là, qui vont bloquer les conduits, mais... Je pense que dans certains quartiers pauvres, il n'y aura pas toutes des trappes. Oui, mais attends, là, moi, j'ai des sorties d'eau dans mon sous-sol, là, des trous d'eau quand il y a une inondation, l'eau coule par ces espèces de sorties-là qui sont dans mon plancher. Puis un jour, j'étais avec mon ami, on est en train de regarder un film, puis on entend un bruit étrange. Et je ne déconne pas. Non. Et à un moment donné, ben, je réussis à trouver l'origine du son, et c'était un gros roc qui était pogné là, qui était rentré par la sortie d'eau de l'égout. Par cette espèce de tuyau-là, puis il était pogné là, je le voyais, le poil dans le trou, puis j'ai... Ah, ben il y avait une petite affaire, là, il y a pas... Oui, il y avait une grille, il y avait une grille, puis j'ai, au moment que j'ai voulu essayer d'enlever la grille, il a eu tellement peur qu'il a dû se contorsionner, je sais pas trop quoi, puis il a réussi à s'enfuir, okay. Finalement. OK, ben ça nage-tu des rats, ça va-tu sous l'eau? Oui. Oui, ça rase, ça nage un rat. Très bien, en plus. Mais non, mais là, tu dis que c'est un conduit d'eau, fait qu'il est rentré. Oui, mais c'est sec, normalement, c'est si une inondation, par exemple, l'eau coule par là. Ouais, OK. Puis ça va s'écouler dans les égouts. Donc, lui, il a dû passer par là. Donc, autrement dit, la trappe qui est dans les égouts doit être rongée, puis elle doit être abîmée. Mais on l'a réparée depuis le temps. Plus okay. De pas. Mais oui, ça nage. Ben, c'est ça. Ah, fait que vous autres, ça vous dérange pas trop d'être ici. Marc, tu vas nous arranger le son, parce que c'est pas mal écho dans le container. Hein? Fait que, si le son, il est bien, il est bon, présentement, pour l'auditeur, ben, sachez que c'est parce qu'il a été arrangé, parce que présentement, le son est assez écho, là, puis... C'est pas super... En même temps, tu sais... Notre technicien va nous arranger ça. J'ai déjà fait un reportage dans un container. J'avais savouré une merveilleuse sandwich. Donc, c'est pas ma première expérience, c'est ça, dans un container. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Quand est-ce que c'est arrivé, ça? J'avais fait un reportage chez l'école où j'étais, puis j'avais interviewé le concierge. J'avais fait un reportage sur... dans le même reportage, j'avais été voir le container, ce qu'on retrouvait dans le container de l'école. J'avais été voir la directrice qui nous avait puni live. Puis je me suis... On l'avait vu, c'était Madame Dumont, hein? Oui. Puis on la voyait de punir, ça se peut-tu? Oui, oui, oui, oui. Ouais, ça me dit quoi? Un coup de règle sur la main, c'est... Wow. Non, mais c'était arrangé. Ah, la blaguait. Ouais, ouais, c'était arrangé, mais disons que j'avais donné une très mauvaise image à notre école, puis elle savait pas, elle connaissait pas la finalité de mon reportage. Ouais. Je me rappelle le concierge, j'étais un peu veg, hein, je pense. Oui, ouais, c'était le but. C'était le gros. C'était le gros. Parce qu'on les entend jamais parler dans les écoles. Je vais interviewer le concierge, puis je pense qu'il comprenait pas tout ce que je dis. Ouais, c'est le gros avec les mains. Il comprenait pas trop ce que tu faisais non plus. C'était drôle. Hey, j'ai une question rapidement. On va sauter du coq à l'âne, du coq au rat. Vous êtes tous les deux propriétaires. Mm-hmm. Mm-hmm. On va ratisser le sujet, là. Vous êtes tous les deux propriétaires. Comme pour un locataire qui veut briser son bail, c'est quoi son droit? Non, il n'y en a pas, c'ti. Non, mais supposons, je dis, hey, j'ai trouvé quelque chose, là. Faut que je parte. Je brise le. Je m'en vais dans 3 mois. T'sais, je m'en vais dans 3 mois. Tu es correct avec toi? Je veux dire, ça marche tout de même. Ou le bail, c'est comme non, tu... Mais il peut y avoir un arrangement à l'amiable, déjà partant. Ça règle pas mal de problèmes, parce que si tu fais intervenir la loi, ça peut causer plus de problèmes que d'autres choses. C'est un arrangement à l'amiable, puis donne un délai de temps raisonnable, 3 mois, c'est assez raisonnable. Et tu peux lui demander, par exemple, de qu'il fasse lui-même le travail de trouver quelqu'un, qu'évidemment, tu vas... Non, moi, c'est ça, je le cherche pour lui. Ah, okay, c'est ça. Ben, c'est non, non, mais je dis ça que déjà, tu veux en partant, c'est cool. Ouais, ouais. Okay. Mais en même temps, lui, il a le dernier mot aussi, là. Je veux dire, si t'arrives avec un musulman, il va peut-être refuser, là, on sait jamais. Ouais. non, j'aime bien les musulmans. Mais sinon, au niveau légal, j'en ai aucune idée, ça m'est jamais arrivé. Moi non plus, mais oublie pas une chose, si jamais tu t'entends pas avec, puis si jamais tu pars là, par exemple, il dit tu me dois 6 mois, puis toi tu dis de la merde, mais il peut vraiment te poursuivre pendant 10 ans de temps. Ben, il peut même aller jusqu'à soutirer de l'argent de ton compte en banque ou soutirer de l'argent de ton travail. Pas pendant 10 ans de temps, mais puis ça peut. Il peut, par exemple, décider de te poursuivre dans 9 ans, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas les moyens. Mais il a le droit légalement même de le faire jusqu'à dans 10 ans. Oui, mais je pensais que le bail était une obligation légale écrite qui permettait d'aller soutirer ces loyers-là, même si la personne a brisé le bail sans consentement du propriétaire. Autrement dit, s'il quitte le logement, il y a encore le bail à payer, est-ce-t-il? Oui, c'est ça que je dis. Il y a encore le bail à payer. Faut que tu fasses des démarches légales pareilles. L'équivalent de 6 mois, oui. Tu parles du propriétaire. Ouais. Oui. Mais il a le droit, il n'est pas obligé de le faire tout de suite, il n'est pas obligé de le faire cet été. Il y a un délai de 10 ans pour le faire. Mais en même temps, on peut sécuriser les propriétaires. Les lois ont été changées pour favoriser encore plus les propriétaires qu'avant, qui étaient déjà assez favorisés. Même si les propriétaires, des fois, ils peuvent se ronger les ongles avec certains locataires, vandales ou autres, mais reste que les lois sont très pro-propriétaires plus que pro-locataires. Mais parlant de ça, c'est un de mes orgasmes de la semaine. Mon locataire qui payait pas, il est parti! Wouhou! puis est-ce que c'est passé? Raconte-nous ça. Ben, finalement, il a eu... Attends, résume donc rapidement un peu ce qui s'est passé. Ouais. Ben, c'est simple. Ah, il est arrivé toutes sortes d'affaires, mais en gros, c'est que depuis le mois de novembre, il paye pas. Ton locataire payait pas. Oui, le locataire payait pas. Puis là, on lui disait, ben, il faut que tu t'en ailles parce qu'on n'a pas, tu n'as pas payé. Il dit, ah, t'as pas le droit de me mettre dehors. Il dit, ben oui, ben là, on était à la cour. Il était convoqué à la cour lui aussi. Puis il s'est jamais présenté. Ouais. Donc, s'il se présente pas, automatiquement, il perd sa cause. Fait que là, on lui a dit, il faut que tu t'en ailles. Puis là, il dit, non, t'as pas à me mettre dehors. Puis là, le huissier, il est arrivé avec un papier, il a mis ça à la porte. Puis il dit, si le 1er février, t'es pas parti, on sort tes meubles. Puis là, il a fait, ben, OK, il n'y a pas le choix. Fait que là, finalement, il est parti lui-même. On voulait pas sortir nos affaires de nous-mêmes parce que ça nous aurait coûté de l'argent. Un déménageur, le huissier en plus, ça aurait coûté au-dessus de 1 000 $. Il a sorti son stock. Il a sorti son stock, il est parti. Aucun acte de vandalisme. Ouais. C'est ça. Quand, c'est assez bizarre. Quand ma blonde a été, le lendemain de son déménagement, il y avait un trou dans un mur. Puis c'est un peu sale un peu partout. Puis dans la salle de bain, en dessous du bain, il y a comme des petites lampes qui avaient été arrachées, qui avaient été enlevées. Des lampes? Des petites lumières, là, ouais. OK. C'est fancy, votre appartement? Ouais. Ah, c'est pas mal. Justement, on a un à Louis Saint-Jérôme. 514 rue Fournier. Bon, tout ça pour dire que... a vu ça, a fait bon, c'est correct. Puis le lendemain ou le surlendemain, elle y retourne. Il y avait encore du stock un peu. La première fois quand il y a été, il y avait encore un peu de stock, des boîtes qui traînaient, puis du linge un petit peu. Donc il y avait encore la clé, lui? Oui, il y avait encore la clé. Le surlendemain, quand il y a été, il y avait moins de stock. Il y a beaucoup de boîtes qui étaient parties. Le trou dans le mur avait été réparé. Oui. Et les lumières en dessous du bain avaient été remises. Ah, ouais. Ah ben coudonc, vous avez pogné un bon. Oui, c'est un bon game, mais c'est ça. Ça, c'est weird. Ça, c'est un de mes orgasmes de la semaine, j'en ai deux en passant. OK. Ben, avant qu'on passe aux orgasmes et marasmes, je réagis de même quand j'ai peur, puis là, j'ai peur des rosses pour ça. OK, je vais faire un petit retour sur le dernier podcast, alors que nous étions au sommet d'une immense colline de sucre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est terminé? Eh bien, nous avons joué au roi de la montagne, puis j'ai gagné. Non. Alors, c'est maintenant... Ouais, parce que... Parce que je suis trop vieux, puis je casse en vie. Oui, puis toi, t'es trop gros. Fait que c'est moi qui ai gagné. Toi, t'es trop mec, c'est pas pareil. C'est trop bon, c'est comme ça, c'est sûr que le monde est gros. Fait que... j'ai perdu mes notes. OK. OK, fait que... orgasme et marasme, chacun notre tour, ce qui nous a fait chier et ce qui nous a fait plaisir ces deux dernières semaines. Marc Latrémoille, shoot! Ben, j'ai commencé avec un orgasme. J'ai dit j'en avais deux. Le deuxième, c'est un peu un orgasme que je vole à Christian Jaudoin. Il me l'a dit il y a deux semaines, puis il a oublié d'en parler la semaine... il y a deux semaines, justement, lors du podcast. Pour la deuxième fois, en deux mois, on a doublé notre auditoire! Yeah! On est rendu à 4! Hein? Qui nous regarde? Ouais, c'est pas qui? Hey, je veux des noms, Steve, moi je suis pas au courant. Ah ouais, ben il y a notre père. Ben, il nous écoute pas tout le parce temps. Parce que il y a notre père, monsieur Gérald Jaudoin. Parce que moi, mon frère, on est des frères. ouais, c'est ça, il y a ben, Christine Rouillard, ma copine, là, puis il y a aussi... Ouais, mais t'as force un petit peu, non? Ça n'a pas l'air intéressé. J'avoue que je l'ai forcé. Elle n'avait pas le choix. On était dans l'auto. Je conduisais. Puis je disais, hey, écoute ça. Puis, attention, ça peut mettre un terme à ta relation. Il y a aussi la copine de notre fan numéro 1, la blonde à Hugo Bonin. MJ! Ah non! Okay. MJ! Steph, excuse-moi. MJ qui nous a écouté un de nos podcasts. Hey, on n'a pas eu de feedback sur le Facebook ou sur le groupe? Ben oui, sur le groupe. Sur le groupe, elle l'a mis. Facebook. OK. Fait que, ben, merci à ceux qui nous écoutent. C'est ton orgasme? Hugo! Ben oui, c'est mon orgasme. Ah non, ben, moi. Ça t'en prend pas gros. Non, ben, mon autre orgasme. C'était le locataire qui est parti. OK. Marasme? What's that? Bon, au mois de décembre, je me suis fait mal au genou. Ben ça, c'est parce que il y a bien des années, il y a une vingtaine d'années, je me suis fait opérer 6 fois au genou. Mais là, bon, j'avais des marasmes de petit vieux. Oui, ouais, des marasmes de petit vieux. Tu vois, est-ce que j'en viens avec tout ça? Je boitais, donc j'ai été voir un médecin. Et puis on a conclu ça qu'il fallait qu'il me shoote de la cortisone dans le genou et du Saint-Visque. C'est un produit spécial qui est rendu très populaire. Ma copine aussi, à un moment donné, a été dans le privé parce qu'elle avait mal au genou, elle fait beaucoup de courses, elle fait des marathons. Puis elle aussi, elle s'est fait prescrire par un médecin dans le privé du Saint-Visque. Sauf que ça coûte 450 $ la dose d'une cuillère à thé. C'est extrêmement cher. Elle ne fait pas se le payer à ce moment-là. Mais maintenant qu'elle est sur mes assurances, les assurances payent 80 %. Donc, c'est pas pire. On a eu des mois d'assurance. 80% combien de fois par année? C'est une fois par année ou une fois aux deux ans. Donc, ça nous revient à peut-être 90$ la dose pour aux deux ans. Et tu te fais shooter aux deux ans aussi? À peu près, oui. OK. Ben, c'est bon quand même. Ça dépend de chaque personne. C'est différent chez chaque personne. Mais j'ai vu que ça donnait le cancer, ça. Du genou. Cancer de la rotule. Pas grave, notre job paye les assurances. Les assurances, le cancer, sont bons. Mais tout ça pour dire que moi, mon médecin, il m'a shooté dans le genou finalement. Puis il dit, parce que je te l'avais promis, là, t'avais ton service, tout ça. Puis là, moi, j'ai dit, en passant à ma copine, elle veut pas retourner dans le privé se faire shooter. Il faudrait qu'elle paye encore le médecin. Est-ce que vous, monsieur le médecin, vous pouvez lui shooter dans le genou? Puis il dit, non. Je dis, pourquoi? Il dit, ben, à cause des frais accessoires, puis les moyens de pression, puis les négociations qu'on a avec le ministre de la Santé présentement. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas été réglé, cette affaire-là, des frais accessoires. Il dit, non, ça nous a été imposé. Puis moi, les impositions, je suis pas d'accord avec ça. Puis fait que, nous, nos moyens de pression, c'est qu'on fait plus ce genre de service-là. Okay. Jusqu'à ce que la négociation soit terminée. Fait que là, mon marasme, c'est contre les médecins qui, pour faire les moyens de pression, bien, c'est toujours le public qui paye pour. Voilà. Donc, ouais, c'est contre les médecins d'aujourd'hui. Ça se règle aussi vite que les flics avec la ville, ça risque d'être long, on estime. Ça risque. Ah, oui. Je pense que ça va être très long. Puis, je pense pas que ça va être réglé d'ici, comme il disait, dans deux mois, ça va être réglé. Je pense les médecins vont porter des pantalons d'armée, ça va faire une pression super efficace. Pendant que je suis en train de sentir une vieille serviette tachée que je suis en train de voir dans le container, là, je vais y aller aussi avec mon marasme parce que ça a rapport avec le tien. C'est du sperme. Ça a rapport avec le tien. Je vais avoir un autre marasme après. Là, OK, vas-y. C'est pas mon marasme à moi, c'est celui de Christine. Puis là, bon, j'allais dire que je veux pas dire ça pour justement faire la critique du système de la santé. Je trouve que Marc Latrémoy, il parle trop. Non. Je parle jamais! Le système de la santé, où je veux pas non plus nommer l'hôpital où elle a été, mais bref, Christine est malade depuis très longtemps. Depuis à peu près 3 semaines, genre, t'es pas sûr, c'était une toux, une bronchite, mais tu sais, ça, c'était long, là. Fait que là, elle a été travailler après avoir pris quelques congés. Puis au travail, ça l'allait pas. Fait que son boss lui a conseillé d'aller à l'hôpital en taxi. Elle va à l'hôpital, puis rendu là, bon, ben là, bon, elle attend, évidemment, salle d'urgence. Puis là, elle rencontre le médecin. D'après Christine, ma copine, médecin très, très méprisant, qui dit, « Ah, t'es correct. » Christine, il explique qu'est-ce qu'elle a. La femme, « Ah, t'es correct, là, t'es correct. » Là, il fait, elle met une soluté, je sais pas trop quoi. Puis là, elle dit, « Ouais, c'est ça. » Fait que là, le médecin s'en va. Fait que là, Christine va se rasseoir. Puis la femme a dit, ça va partir. C'est un petit rhume, ça va partir. Christine va se rasseoir dans la salle, puis elle attend. Puis là, Monet, elle se dit, écoutons, je suis pas sûr si ça m'a donné mon congé. Ben, elle est supposée me revoir. Elle va voir les infirmières qui, selon Christine, sont super méprisantes aussi. Elle dit, j'ai-tu mon congé? Elle dit, non, le médecin, il est supposé venir te voir, là, elle va te rasseoir. Elle se rassoit, elle attend, puis elle attend à peu près 5 heures de temps. 5 heures! 5 heures de temps. Puis pendant ces 5 heures-là, elle est retournée voir l'infirmière. Elle dit, vous êtes sûr que j'ai pas eu mon congé? J'aimerais ça, je pense, partir. D'après Christine, l'infirmière s'est retournée vers l'autre infirmière. Hey, t'entends-tu ça? Elle veut s'en aller. Tu sais, fait que ça a beaucoup de mépris. Finalement, un moment donné, elle rencontre, elle voit quelqu'un qui arrive, un nouveau shift sûrement, un gars derrière le bureau. Il avait l'air sympathique. Elle va le voir. Elle dit, est-ce que le médecin est supposé me voir? Le gars tape dans le dossier. Et d'une manière très culpable, il se sent très coupable, dit « Non, vous aviez eu votre congé. Le médecin n'est pas supposé vous revoir, vous aviez eu votre congé. » Donc, après avoir 5 heures, elle part. Le lendemain, elle va à la clinique et elle a une pneumonie. C'est une pneumonie qu'elle avait. C'est pas un petit rhume, c'est une pneumonie. Ouais, donc, après tout ce mépris et cette attente... Il est arrivé la même chose avec Roman quand elle avait été à l'hôpital. Ça faisait 90 jours qu'il toussait quand il était bébé. Puis Delph avait été à l'hôpital Sainte-Justine. Puis elle avait insisté pour voir un médecin. Non, elle avait gueulé pour voir un médecin. Finalement, elle a vu un médecin parce que c'est une Française. Puis des fois, les Français, quand ça commence à s'impatienter, ça paraît. Puis ils ont passé un scan. Puis oui, il y avait aussi une pneumonie. Mais elle a dû énormément insister pour se faire voir. C'est dingue. OK, ouais. Ben, je sais pas si ça a rapport avec les moyens de pression. Ben, parce que justement, il y a plein de monde qui se présente pour des petits rhumes. Puis les médecins sont plus capables. Là, il y a sûrement de ça, c'est clair. Sûrement, ouais. T'avais un autre marasme? Ben, c'est pas un marasme. Deux orgasmes, deux marasmes. Ben, je dirais pas que c'est un marasme pour moi. Parce qu'il y en a plein dans le container. quoi, des puces? Tes orgasmes, là, ça coule. Oh, ouais. Une seringue! Le médecin, quand j'ai vu pour mon genou, on continue là-dessus, Il me dit, il va faire passer une batterie de tests, là, des radiographies, des radios quelque chose, je sais pas trop quoi, là, qui, en tout cas, bref, j'ai été le voir la semaine dernière, puis finalement, il dit, tu fais de l'ostéoporose. Ah, shit. Ouais, maladie de vieux, c'est la dégénérescence des os. Et ça, ça se guérit pas. OK. Et, mais ça se stabilise, par contre, et voilà. C'est ça fait-tu mal, quoi? Pas encore. OK. Comment tu stabilises ça? Parce que tu manges? Par des exercices? Ouais, exact. Faut boire beaucoup de lait, c'est aussi ça? Aussi, par des prescriptions. Beaucoup de lait. Mais par des pilules, aussi bien manger, être en santé, faire de l'exercice, etc. Des astis de pilules. Je suis sûr que si tu manges super bien, tu fais des exercices, t'en auras pas besoin. Sais-tu quoi? Je mange déjà bien. J'aime ça, les pilules, moi. Je fume pas. C'est ça, j'ai été sur le web après voir c'est quoi qui stabiliserait ça. C'est, tu prends pas d'alcool, tu fumes pas, tu fais de l'exercice, faut bien manger. Je fais déjà tout ça, puis je lis l'ostéoporose, fait que, tu sais. Bon. Mais qui est propice à pogner ça? N'importe qui, c'est un jeu de dés comme le cancer? Ben, sais-tu quoi? Je sais pas, parce que la première question, les questions qui arrêtaient pas de me poser, c'est est-ce que ça, il y a du monde dans ta famille qui en fait? C'est génétique? C'est génétique. Ben, la réponse était non. Il y a personne dans ma famille qui en fait. OK, bon. Oui, si t'es juste pas chanceux. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je me rappelle qu'au début du podcast, il y a à peu près une couple de mois, je m'étais plaint. Je m'avais dit, moi, je fais 9 de cholestérol, puis 9 d'après mon médecin, c'est affreux, là. Ah ouais? C'est vraiment horrible, là. Surtout pour quelqu'un que mon pot, là. Ben oui, ouais, c'est vrai. Vrai. Finalement, je sais pas, c'est parce que je suis maigre. Fait que je disais, je suis maigre, j'ai pas de problème. Fait que je mangeais tout, je fumais, je buvais des beignes, ouais, merci, bonsoir, la crème glacée, tout. Mais je mangeais bien aussi, tu sais. Je mangeais de tout. Puis là, mais peut-être la boisson ou la bière. Puis là, finalement, j'ai pris des médicaments. Puis là, depuis un certain temps, ben c'est ça, j'ai fait le dernier test. On a indiqué que j'ai considérablement baissé mon cholestérol. Donc, le médecin est fier de moi. Mais avec les médicaments, tu as dû augmenter d'autres choses. Oui. C'est vrai, ouais, parce que comment ce qui a diminué, c'est son portefeuille. Ouais, c'est ça. Ben non, je suis bien sûr. Pourquoi? À cause OK, de là, ben non. À cause des médicaments. Oh non, pas, ça coûte pas bien machin. OK. Toi, t'as-tu, je vais dire mon orgasme. Vas-y. Mon orgasme, moi, c'est la façon que j'ai d'écouter des films, de me procurer les films, les DVD. Moi, je fais affaire à la Bibliothèque de Montréal. Les bibliothèques de Montréal. Il faut savoir que les bibliothèques de Montréal ont beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Pas mal plus que vous pensez. Les nouveautés, des vieilles affaires. Les nouveautés, ils ont beaucoup de films d'horreur. Moi, c'est pas compliqué. Les vidéos, ça n'existe plus anyway. Mais Netflix, mettez ça dans les poubelles. Moi, j'en ai même pas de besoin. J'ai 200 films en liste à la bibliothèque qui m'attendent. Je me fais des listes. Puis tu peux garder 3 semaines. Je fais 20, ouais, une semaine. Ouais, c'est ça, je peux renouveler la réservation. Là, présentement, j'ai 25 réservations. Puis là, quand ils m'appellent, je vais les chercher. Puis là, j'en rajoute parce que j'ai une liste de 200 films qu'eux autres possèdent. Parce qu'on peut, pas réserver plus que 25 films. Fait qu'une fois qu'ils m'appellent, puis ils disent, OK, tel film est arrivé, ben, que je vais voir sur Internet, puis il appelle pas, là. Tel film est arrivé, ben je vais le chercher, puis là, je rajoute des films dans mes réservations, fait que ça roule tout le temps, c'est gratuit. L'autre fois, pour Noël, ma conjointe, elle m'a acheté le livre, un livre de Mad Movies, qui est les 300 films à voir avant de mourir. Mm-hmm. Puis je m'attendais à voir des films aussi niaiseux que Alien, puis t'sais, Jaws, puis tout ça. Là. Oui, il y en a certains, mais 85% des films qu'il y avait là-dedans, je les connaissais pas. Et 85% des films, quasiment, la bibliothèque les avait. C'est malade. Ah oui? Fait que là, je vais me taper des films inconnus, mongols, qui datent de super longtemps, de tel pays. Puis 85% des films que tu vois sont poches aussi. C'est pas vrai, c'est pas vrai, la plupart des films sont très bons. Non, il y a beaucoup de films que tu donnes des notes, là, genre 3, 2, ben oui. Que tu notes même pas, parce que c'est trop poche. Faut bien que j'aille des merdes dans le podcast. D'ailleurs, j'ai d'autres merdes aujourd'hui. T'en as deux, là, en ce moment. Là. Non. Fait que c'est ça. J'espère que ça va durer à la bibliothèque. Je suis comblé. Fait que Marc Jodoin, orgasme et marasme. Je vais commencer par mon marasme, qui est un événement d'actualité. Je pense que tout le monde a entendu parler, sauf si vous aviez la tête dans le cul, comme, genre, je sais pas, moi, 50% de la population québécoise. Donc, je vais parler de l'attentat terroriste, nous ne le cachons pas. C'est un véritable attentat terroriste dans la définition de ce qui est un geste terroriste, qui est de s'attaquer et de terrifier un groupe donné. Du jeune Alexandre Bissonnette à Québec, dimanche passé. Là, sois pas trop agressif, tu vas faire peur aux rats, là. Tu vas effrayer les rats. C'est juste que j'ai beaucoup été sur Facebook, aller voir la page de mon cher Richard Martineau, que j'appréciais beaucoup. Ton meilleur ami. Ouais, que quelques années, j'appréciais beaucoup, et du M. Richard Martineau, en ce moment, nage dans sa propre fange comme un diable dans l'eau bénite en essayant de se défendre de sa non-responsabilité et des amalgames qu'il ne faut pas faire avec ce qu'il a dit précédemment sur son obsessivité anti-islamique extrêmement raciste, mais qu'il nie catégoriquement après le massacre, en parlant des gauchistes qui mélangent tout. Bref, ce que je veux dire aujourd'hui dans mon marasme, c'est de parler que notre société québécoise qu'on dit ouverte, est tolérante, est en fait une société extrêmement raciste depuis cela de nombreuses décennies. Et c'est un faux de dire que le Québec est un pays, est une province ouverte et tolérante. C'est complètement faux. Mais alors, pourquoi? Tu sais qu'il y a des immigrants qui disent qu'on n'est pas raciste? Je le sais, mais les immigrants... aiment leur vie au Québec, qui sont bien, puis ils disent, ben non, moi, je me suis jamais senti écrasé. Les Québécois sont accueillants. Ouais, d'ailleurs, des Français. C'est comme aux États-Unis, il y a deux genres de personnes, des trous de cul, des meilleurs, des. Mais allons-y justement, qui va prouver mon point de vue. On va commencer. Je vais discuter de 6 éléments rapidement qui confirment que la société québécoise est extrêmement raciste. On va commencer par un des plus pernicieux, un des plus vicieux, un des plus toxiques, un des plus manipulateurs. Je parle de nos médias de masse. Je parle de la presse, je parle du Devoir, je parle de TVA, je parle de Radio-Canada. Ce sont des journaux, qu'ils soient lus sur Internet ou en papier ou à la télévision, qui ont une tendance à montrer l'information de manière très, très biaisée et de créer une désinformation innommable, notamment, par exemple, le plus classique, en démontrant seulement les attentats terroristes d'origine musulmane dans le monde, alors que l'ensemble des attentats terroristes ne sont pas d'origine musulmane. C'est aussi de parler, par exemple, que il y a eu un vol et en indiquant que la personne est de race noire. On s'en calisse-tu, esti, puis quand c'est un blanc, on le dit pas. Bref, les médias de masse, il ne faut pas se cacher, ont une façon très subtile, mais pas tout le temps, de rapporter des faits de manière extrêmement raciste en manipulant ou en apportant l'information d'une manière en usant de stéréotypes ou de préjugés. L'autre élément qui démontre qu'on est dans une société raciste, c'est nos politiciens qui ont tendance à faire du Québec sujet identitaire. Là, je parlerai par exemple du Bloc, pas du Bloc québécois, mais je pourrais en parler, mais ce qui est son cas, mais aussi du Parti québécois qui est, selon moi, un peu le Front national français depuis quelques années, notamment avec le scandale de la charte qui était une proposition complètement raciste. Le nier, c'est de pas savoir ce qu'est le racisme. Donc, je vous conseille fortement d'aller voir la définition du mot racisme. Mais la charte était un choix raciste. Allez-y, on peut partager. Ouais, je veux dire de quoi qu'il n'y a pas. Ben, ça rapporte, là. Mais tu sais, il y en a tout le temps qui disent ben là, moi, je suis pas raciste, j'ai un ami qui est noir. Ben, moi, j'en ai une qui est bonne. Moi, je suis pas raciste parce qu'au secondaire, je faisais partie de la troupe couleur, puis c'était une troupe qui était antiraciste. C'est tout. Ouais. Et déjà, en partant, je considère que quand on arrive avec une argumentation, on commence en disant « je suis pas raciste, mais je m'excuse, mais déjà, en partant, tu risques de dire quelque chose de raciste à 99,9% du temps. » Un autre élément aussi qui prouve qu'on est une société raciste, c'est les cotes d'écoute de tous ces chroniqueurs, de tous ces gueuleurs qu'on peut appeler, qu'on peut trouver dans différentes radios, pas nécessairement juste à Québec qu'on pointe en ce moment parce qu'on est à Montréal, mais qu'on retrouve dans les journaux, qu'on retrouve dans les différentes radios québécoises, qui viennent énormément mettre de l'huile sur le feu, qui viennent faire énormément de désinformation, parce que souvent, ces chroniqueurs-là ne sont pas des journalistes, donc n'ont pas à faire des vérifications des faits, et font que seulement appliquer leur, démontrer leur opinion en arrivant avec des articles qui sont plus ou moins véridiques ou qui sont plus ou moins tirés de sources fiables. On parle d'alternative facts. Ces temps-ci, les chroniqueurs ont tendance à énormément exploiter les alternative facts, autrement dit, les fausses nouvelles, les mauvaises informations, puis sur le net, il y en a une sapritonne. Une petite parenthèse, on a pointé la Turquie récemment en disant qu'elle allait appliquer une nouvelle loi sur les pédophiles, en les favorisant, en disant que si t'étais pédophile, ben, il fallait que la victime te marie, que t'étais disculpé, ou quelque chose comme ça. Malheureusement, cette nouvelle, je pense que j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, nouvelle s'est avérée fausse, et c'était plutôt le contraire que la Turquie avait proposé comme loi. Mais les groupes d'extrême droite, les chroniqueurs avaient montré l'information comme telle. Bref, les chroniqueurs, Richard Martineau, Éric Duhaime, sont des gens qui vont énormément être obsédé par le sujet des musulmans, mélanger islamistes, mélanger femmes voilées, mélanger mosquées, mélanger islam et les brasser dans un melting pot où ils ne font plus de distinction. Puis le petit jeune qui écoute ça, lui, ça confirme ses préjugés en écoutant les Martineau et les jeunes de ce monde. Si vous êtes raciste, appelez-nous 514-731-3030. On prend vos appels. Je veux dire quelque chose, Marc. Je prendrai une pause pendant ce temps-là. À propos des médias de masse, ça me fait penser à quelque chose, un événement qui est arrivé en 2004. Tu sais, quand on a un ennemi en commun, on a tendance à le diaboliser pour vraiment... puis on a tendance à juste montrer ses défauts et non ses qualités. Par exemple, en 2004, j'étais au Maroc. Puis les États-Unis, les Américains venaient d'envahir l'Irak. Ils venaient d'installer un gouvernement provisoire qui avait remplacé Saddam Hussein. Et le gouvernement provisoire avait enlevé le droit de regard de la femme, qu'elle a le droit d'opinion dans la famille, sur les choix des enfants, etc., sur tous les choix de la famille, que Saddam Hussein l'avait accordé. Puis au Maroc, on disait que le droit de regard de la femme, c'était un droit que beaucoup plus libre que tous les autres pays musulmans à travers le monde. Puis c'était vraiment une qualité que Saddam Hussein avait installée. Donc les Américains sont venus diminuer le rôle et le pouvoir de la femme dans Oui, un peu. Puis ça, en Occident, on n'entendait jamais cette nouvelle-là. Ben non. Jamais on n'aurait entendu ça. Puis il fallait que je sois au Maroc pour entendre cette nouvelle-là. Ça, c'était un côté... C'est jamais noir, c'est jamais blanc, c'est toujours gris, il y a toujours des nuances. Puis, tu sais, oui, Saddam Hussein, il était un dictateur. Oui, il a fait des mauvaises choses, mais pas juste fait des mauvaises choses. Il a quand même fait des bonnes choses, puis ça, c'était une des bonnes choses qu'il avait faites. Ben, un exemple de côté pernicieux, justement, que tu me fais penser des médias, c'est qu'Alexandre Bissonnette, check, on sait qu'il a un frère jumeau, on sait dans quelle école il était au primaire, au secondaire, on sait dans quoi il étudiait à l'université. On sait c'est qui ses parents, on sait où est-ce qu'il habitait. Asti, je sais même Calis qui écoutait du Rammstein, du Megadeth puis du Marilyn Manson. On sait quel groupe il allait voir, on sait ce qu'il écrivait sur Facebook. On sait même que quand il était jeune, il était intimidé, le pauvre jeune. Donc on le personnalise, on peut le rendre à la limite presque humain. Imaginez-vous si ça aurait été un musulman. Ouais. Ça aurait probablement été un alcoolique qui battait sa femme et qui était homosexuel et qui est allé dans la mosquée pour se venger parce qu'il avait été refusé dans la mosquée. Et c'est pas une blague, il y a déjà des internautes qui ont proposé que le Marocain, qui n'était qu'un témoin à l'époque, il était suspect dans les premières heures, ce qui a dû faire jouir les racistes. Et Alexandre Bissonnette, il pensait que c'était un couple de gays qui sont allés se venger dans la mosquée et massacrer les musulmans qui étaient là, ce qui était complètement faux. Le Marocain était un témoin. Mais des fois, pour redonner une arme aux terroristes, des fois, il faut faire des films. United 93, le film sur l'avion qui était tombé. Tombé dans le champ. Ouais, le film, ouais. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ouais. Mais tu sais, je veux dire, on les voit, les musulmans. Puis c'est pas. C'est comme aussi le dernier film avec Mark Wahlberg sur l'attentat qu'il y a eu à Boston. Ouais. Ben, tu sais, il y a certains films, justement, qui vont pas dépeindre les terroristes comme, justement, des bêtes sanguinaires, là. Des fois, cette façon-là de les présenter sont quasiment, même si c'est des films qui sont américains, la façon de présenter ces personnes-là sont quasiment plus humaines que ce que les médias ont fait pendant toutes les années avant que les films aient été faits, là. Je vais poursuivre avec l'élément qui montre que la société québécoise est foncièrement raciste. C'est que... C'est mon marasme. Mon orgasme est lié à mon marasme. Toujours. L'autre élément, c'est qu'au Québec, on voit une montée de plus en plus forte, de l'expression de la haine envers les différents groupes religieux, notamment les musulmans, évidemment, mais les juifs aussi le subissent dans certains cimetières. On en parle moins, mais il y a encore du vandalisme dans les cimetières juifs. C'est la montée des groupes d'extrême droite comme Pegida puis La Meute, qui sont des groupes qui se distancient des gestes de Québec. C'est difficile d'accéder à leur site, ils sont fermés, mais on peut tout de même y accéder par d'autres liens, parce que Google, par exemple, tient en archive des pages d'archives intemporelles, ce qui fait qu'on peut consulter des anciennes pages des utilisateurs de Facebook. Ce qui est intéressant, c'est que Pegida, qui est extrêmement raciste et islamophobe et d'extrême droite, et la même chose pour La Meute, faut pas se cacher, c'est de l'extrême droite islamophobe et raciste qui se détache de ces gestes-là. Quand on lit, par exemple, ce que les Facebook, ouais, ceux qui écrivent ces pages-là, My God! Je pense qu'Alexandre Bissonnette lui-même aurait eu des frissons tellement il y a des propos haineux, extrêmement violents, qui parfois, et même, je dirais parfois, très souvent, appellent au meurtre de son voisin ou de son frère musulman. C'est ce qui est assez pathétique. Donc, on accepte ces groupes-là, on les laisse aller, on n'intervient pas légalement, alors que moi, je te ferais tout fermer ça. Je suis contre la censure, mais les groupes d'extrême droite, je m'excuse, mais moi, ça devrait être complètement interdit dans une société qui s'accepte. L'autre élément... c'est l'avant-dernier, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, justement, Facebook, Twitter, qui permet aussi d'exprimer ouvertement sa haine, de vomir sa haine. T'es assis comme un putain de lâche derrière ton ordinateur, puis là, tu vas chier sur les communautés que tu détestes, les Noirs, les Musulmans, les Juifs, comme un lâche. Il y a pas très longtemps, un de ces enculés-là est arrêté à Montréal, dans la région de Mirabel. Il appelait à aller au meurtre des musulmans. Et quand les policiers sont arrivés chez lui, il a toujours dit, ma vie est ruinée, comment je fais? Hey, le caf, t'avais juste à pas prôner le meurtre sur les réseaux sociaux. Assume quand tu parles sur Facebook puis tu détestes les gens au point de vouloir les tuer. Dis-toi que les flics t'écoutent. On se le cache plus sur les réseaux sociaux. Vous n'avez plus de liberté, vous n'avez plus de vie privée. Tout le monde vous espionne et ce n'est pas de la conspiration. Il y a des mots-clés qui sont enregistrés et quand il y a un certain nombre de mots-clés qui sont enregistrés fréquemment, eh bien là, tu peux commencer à être espionné. Et ce n'est pas de la conspiration. Comment pensez-vous que cet homme-là a été arrêté? On se rappelle l'épisode Marie-Chantal Toupin? Non, pas ça. Non, ben, à un moment donné, elle avait fait une controverse, là. Elle avait écrit en caractère gras. Les lettres majuscules de Marie-Chantal Toupin. Ouais, c'est lettres majuscules. Ouais, c'est elle écrit en lettres majuscules. Puis elle parlait des musulmanes, là. Ah, des femmes voilées, là. Ouais, ouais, ouais. Elle a perdu une job. Elle a perdu un job à cause de ça. Ça, c'est quand la charte est sortie, non? Ça n'aura pas être la charte, le voile. Non, c'était contre. C'était un commentaire. Presque, je ne vais pas dire haineux. Là, c'était comme Jeannette Bertrand aussi, elle était pas mal mélangée. Là, elle était manipulée à la limite, on dirait quasiment. Dernier, c'est le silence. Le silence. Le silence de nos congénères face à ce massacre-là. Et je ne vais pas rentrer en détail dans ce silence-là, parce que c'est une des choses qui m'écœure le plus, c'est bien le silence face à tout ça. Pour moi, c'est... autant égal qu'un islamophobe ou un raciste. Et je vais citer deux personnes. Le premier, c'est Martin Luther King qui a dit, avec mon superbe anglais, « In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. » Et Einstein qui a dit quelque chose de similaire, « The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them. » Donc, « without doing anything. » Donc, l'apathie, le silence, le mutisme est, à mes yeux, coupable. Ils sont morts, eux autres, ça donne pas grand-chose. Je voudrais juste rajouter finalement qu'au niveau, une petite parenthèse, la justice aussi souffre presque de racisme parce que le jeune Alexandre Bissonnette est accusé de 6 meurtres prémédités, de 5 tentatives de meurtre prémédité, mais pas de terrorisme. Alors qu'en 2012, nos 3 jeunes étudiants qui avaient été pris dans le métro à mettre des bombes fumigènes avaient été accusés de, pas de terrorisme, mais de gestes pouvant inciter au terrorisme. Donc, je m'excuse, mais Alexandre, c'est un esti terrorisme à mes yeux. Ton orgasme! Eh bien, autant ça m'a désespéré ce geste-là ignoble que le mouvement de solidarité m'a fait chaud au cœur. J'ai trouvé ça tellement beau. Bon, évidemment, c'est éphémère, parce que j'aurais aimé ça qu'il y en ait avant aussi, mais j'espère que ça va durer dans le temps. Mais il y a eu un mouvement de solidarité qui a été très fort, qui a fait chaud au cœur, puis qui a montré qu'il y a une partie de la population qui tient à la diversité multiculturelle, à la couleur, à l'énergie, à la différence qu'il peut y avoir dans une région donnée. Parce que pour moi, il n'y a pas de pays. Il n'y a qu'une planète. Et on y habite tous. C'est beau, ça. C'est beau. C'est vrai, ça. Une planète. Oui, des fois, sur YouTube, là, de YouTube, surtout aux États-Unis, là, je veux dire, quand je vois du monde, là, souvent, ça va être des personnes qui capotent, sont dans le métro, puis là, ils voient un immigrant, puis « Get out of my country! Get the fuck out of my country! » C'est une planète calvaire. Je veux dire, tu protèges pas ton pays. Je veux dire, tout le monde a le droit de vivre puis de mettre son pied à quelque part d'une certaine manière. Il y a peut-être juste les gens d'Uranus. Là, c'est tout des trous de cul. Uranus. Oh! C'est un jeu de mots anglais. Ouais. Uranus. Quiz! Oh! Non, ben, j'y avais un silence, fait que j'ai dit quiz. Mais moi, j'ai un autre petit quiz cette semaine. Oh, yeah! Ouais, shoot! Très, très, très... C'est-tu... On fête le 375e anniversaire de la Ville de Montréal. C'est-tu gay? Bon, gay? Ma gay, j'ai dit... Ah, joyeux! Joyeux, rose, ben ouais, c'est ça. C'est correct. Joyeux. Rose. Étant donné qu'on fête un anniversaire à Montréal, j'ai un petit quiz là-dessus. Montréal fait, dans son histoire, partie de combien de nations? Exemple, hein? Si par exemple le Québec se sépare, ça va être une nation. Le Montréal fait partie de la nation du Québec. Tu comprends? Ouais. Si ça devient un pays. Fait que dans son histoire, en 1642, depuis 1642, elle fait partie de combien de nations? Oh, parce qu'elle a déjà été dans la nation britannique, genre? Oui, voilà. Ça, c'en est okay. une en 1760. Il y en a trois? Tu es capable d'énommer? Quatre. Non, mais non, mais trois, non, mais les. Trois ou quatre. Moi, je dirais jésuites. Mais je sais pas si c'est un rapport. Non. Iroquoienne? Ouais. Non, parce que. Elle est-tu une indienne? Non, parce que quand Montréal a été fondée, la France était déjà. Ah, c'était déjà imposé face aux Amérindiens. J'en ai aucune idée. Fait que Britannique. Britannique, c'en est un. Depuis 1760. Française. Française, oui. Irlandaise. Non. Hollandaise? Non. Ben, québécoise. Mais ben, canadienne. OK, ouais. Canadienne. OK, ouais. Il y en a trois. Il y en a un quatrième. Américaine? Et voilà! Américaine. Américaine. Ben oui, les Américains nous ont déjà envahis en passant. Et voilà. Puis on était... 1782. On l'a oublié, celle-là. Ça, ce sont les 16, puis on a été possession des États-Unis pendant 6 mois. Benjamin Franklin, un des fondateurs de la Constitution américaine, a vécu au Château Ramsey, qui est en face de l'Hôtel de Ville de Montréal, pendant quelques semaines. On s'est fait attaquer par les USA! Mais oui, Montréal faisait partie des États-Unis. Il faut émeur! Mais tabarnouche! C'est tout. Ah ouais, hey, c'est un quiz qui est long, ça. Ben non, c'était correct. Ouais, hey, mais je me suis pas trop fâché, moi, c'était correct. Ben oui, c'était correct. Hey, on va passer au segment préféré de Marc Jodoin. On va saluer nos Maccabées. T'es venu pas avoir des musulmans là-dedans, mais le personnel. Fait qu'à chaque jour, à chaque semaine, il y a des personnalités publiques qui meurent, puis on faut les saluer, hein, faut leur dire merci, faut leur dire allez en paix. Alors, envoyez-les avec la plus vieille, une vieille Chris, excusez. Brunhild Pommsel a été l'une des secrétaires personnelles de Joseph Goebbels, qui après la guerre a travaillé pour la radio en Allemagne. Elle est décédée à l'âge de 106 ans. Elle était l'une des dernières survivantes parmi les témoins oculaires de l'appareil du pouvoir nazi. Wow. Étais-tu là quand il s'est suicidé? Ben, morte, je dirais, née, je sais pas. C'est affreux, hein. Lui, c'est le pire des suicides parce qu'il a tué ses enfants, en plus. Ben, sa femme. Quoi, sa femme? Sa femme qui les a empoisonnés. Ouais, mais. Lui, il a pas posé le geste, c'était le lâche qui a dit à sa femme, tue-les. Ben, mais c'est, je pense que c'était le plus obsédé de la gang, c'était le plus boinoché de la gang. Affreux, ouais. Qui ça? C'était une créature. Ah, Goebbels. Goebbels, c'était une créature. Ah, mais, ok, fait que là. C'était un gars l'homme, calique. Ben, c'est un boiteux, il boitait. Lui, il a fait pour, lui a travaillé pour la radio en Allemagne. C'est le chef de la propagande. Allemande. C'est lui qui faisait tous les spectacles, les journaux, les cinémas. Il contrôlait même le costume, les costumes. Okay. Ça a été un génie. Hein. Un génie complètement fou, mais un génie. Ben, je vais utiliser ma mémoire, là. Je vais faire un pont avec notre container aujourd'hui. Je vais faire utiliser ma mémoire, là. En mai 1945, profitant du chaos qui régnait en Allemagne, où des millions d'anciens prisonniers de guerre, de forçats, de survivants de l'Holocauste étaient sur les routes, des milliers de nazis haut placés en profitèrent pour filer à l'étranger. Sans le soutien de l'Église catholique, un si grand nombre de nazis n'auraient pas réussi à fuir. Ils pouvaient compter sur un réseau de passeurs bien organisé en Autriche et en Italie. La CIA surnomma la route la plus empruntée, la ligne des rats. Je savais que ça avait un lien avec les rats. Qui va me dire quelle est l'occupation du plus jeune décédé? Qu'est-ce qu'il faisait? Là, on passe au plus... Plongeur. Il avait la vaisselle dans un restaurant. Chanteur. Jordi. Vous n'avez pas compris encore. C'est encore un maudit sportif. Ah, t'as pas d'autre chose que des sportifs. Giordano Ventura oui. meurt le 22 janvier 2017 à 25 ans dans un accident de voiture en République dominicaine. Il était un lanceur droitier de baseball évoluant avec les Royals de Kansas City. On pense à toi, Giordano. Mais je vais utiliser mes mémoires. Je vais faire un pont. Avec des rats? Ah ouais. En 2007, je me rappelle, j'ai lu un article. Qu'est-ce que ça disait donc? Ah oui, c'est ça. Il y a des parents qui ont été réveillés par leur moniteur. Ils entendaient c'est un moniteur. Tu sais, il y a certains moniteurs qui envoient un son quand le battement du poupon, il est comme déréglé ou je sais pas trop quoi, là. En tout cas, bref, les parents ont été alertés par un bruit par le moniteur. Ils ont été dans la chambre et ils ont vu leur petit poupon. Il était toujours vivant. Sauf qu'il y avait le museau et la lèvre mâchouillés. Et dans la bassinette, il y avait aussi des excréments de rats. Donc, le rat était monté et il avait bouffé le petit bébé. Et ce que je veux dire, je l'ai lu dans le livre, c'est que à New York, par année, il y a à peu près 50 000 morsures de rats. Et la majorité, c'est les enfants qui sont les victimes. Puis souvent, c'est parce que les enfants, bien, justement, les petites odeurs qu'ils gardent au niveau de la bouche, là, soit qu'ils se nettoient mal, bien, soit que c'est le lait, puis tout, bien, les rats sont facilement attirés par ces petites odeurs. Ouais, alors, ça veut dire aussi que dans nettoyez cette... vos enfants, leur gueule. Ouais, mais ça veut dire aussi que dans ce coin-là, il va pas avoir beaucoup de déchets s'ils vont dans un chercher la nourriture dans un endroit aussi dangereux pour eux, là. Peut-être. Ouais, mais ça cause que des rats, il y en a en tabarnak. Il peut avoir beaucoup de déchets, mais des rats, il y en a peut-être plus. Si... À New York, il y a 10 fois plus de rats que de population. Okay. Que de monde. Ils sont à combien à New York? Ils sont à 9 millions? Ah ouais, à peu près. Tabarnak. Okay, fait que tout, okay, c'est ça que tu as lu? Ok, oui. Parce que c'est ça, dans le livre, la première statistique que j'ai lue, puis c'était comme lancé de même, il n'était pas sûr encore, peut-être que la réponse, ça va être plus tard, c'est un rat par habitant. Fait que toi, c'est 9 rats par habitant. Non, mais ça remonte à très, très longtemps, ce que je dis là. Non, mais un rat par habitant, ça n'aurait pas d'allure, ça. Moi, je dirais qu'il y en a probablement plus. Ça se reproduit d'une manière phénoménale, les rats. Dans la télésérie Planète Earth, le deuxième Planète Earth 2 de la BBC, qui est une télésérie majestueuse, il va y avoir un épisode que j'ai pas encore vu, j'en reparlerai. Il va y avoir un épisode sur les animaux des villes. Ils ont jamais fait ça encore. Oh, donc, wow! Fait que je me demande s'il va y avoir un segment sur les rats, qui risque d'être extrêmement passionnant, vu la qualité hallucinante de ces téléséries-là. Les rats, les pigeons, peut-être certaines rapaces. Les chats errants, ou je sais pas quoi, ça risque d'être vraiment intéressant. Les blattes. Les punaises. Les belettes. J'aimerais ça parler d'un gars. Son nom, c'est Steve Flatto. C'est ton orgasme? Non, pas du tout. C'est ma petite histoire. C'est à cause de tes flatulences? Non, c'est un juif américain dont sa fille a étudié en Israël en 1995, alors qu'elle avait 20 ans. Et lors du spring break en Israël, elle a décidé d'aller à la bande de Gaza. Et ce qui devait arriver arriva. Il y a eu un attentat terroriste contre l'autobus qu'elle prenait part. Elle est morte. Steve Flatto, il a reçu un appel du gouvernement américain en disant que ceux qui ont revendiqué l'attentat, c'est un petit groupe islamique. Il s'appelait le Jihad islamique palestinien. C'est un petit groupe terroriste qu'il y avait à cette époque-là. Et il pensait qu'il était financé par l'Iran, le pays l'Iran. Alors lui, s'est mis dans la tête que je vais poursuivre, au point de vue judiciaire, l'Iran pour qu'ils poursuivent pour un certain montant d'argent pour qu'ils arrêtent de financer ces groupes terroristes-là. Sauf qu'aux États-Unis, il y a une loi qui interdit de poursuivre des pays. Ça date de les colonies, ça date de 1600, je sais pas quelle année, là, 1600 quelque chose, qui dit que le roi a toujours raison. T'as pas le droit de poursuivre un pays. Ça, c'est une loi américaine. Sauf qu'il y a des petites exceptions, comme par exemple si tu vas à l'ambassade de France puis ils te donnent un contrat pour peinturer l'intérieur de l'ambassade de France puis ils décident de pas te payer, tu as le droit de les poursuivre pour ça. C'est des petites exceptions comme ça. Sauf que là, pour prouver qu'un pays était derrière le terrorisme, il y aurait, tu sais, peut-être que là, le Congrès américain changerait les lois, mais il fallait qu'il prouve. Fait que lui puis son avocat a réussi à sortir des journaux du milieu des années 90 qui viennent de l'Iran, où le gouvernement iranien publie leur budget national, puis dans une des petites sections, c'était indiqué fournit de l'argent au groupe islamiste djihad palestinien, au Hezbollah, etc., tout ce petit groupe terroriste-là. Donc, ils avaient la preuve qu'ils pouvaient poursuivre judiciairement l'Iran. Fait qu'en 98, à Washington, D.C., le procès a commencé. Steve Flatto versus l'Iran. Bien sûr, du côté de l'Iran, il y avait personne qui s'est présenté. Il a gagné sa cause, 24 millions de dollars, plus également... Qui a donné le 24 millions? Ben c'est ça, attends une minute. Oui. Il a gagné sa cause comme quoi l'Iran devait payer 24 millions de dollars qu'il a perdu sa fille. Et également, pour dommages punitifs, un 240 millions de dollars de plus. Sa première réaction de Steve, c'était « Yahoo, j'ai gagné ». La deuxième réaction, c'est « Haha, j'aurai jamais cet argent-là ». Sauf que son avocat a dit « Attends une minute, toi, là. On va aller plus loin que ça ». L'Iran, ici, possède des propriétés privées ou des propriétés. On va aller saisir ces propriétés-là. Comme par exemple, l'ambassadeur d'Iran, il y a une énorme maison ici à Washington. On va réussir à saisir ça. L'innocence de l'avocat ne croyant pas causer un clash diplomatique hallucinant. Exact, parce que là, ce qui est arrivé, c'est que la Maison-Blanche a fait non, vous poursuivez pas, vous saisissez pas les propriétés. Parce que si vous faites ça, imaginez-vous, du côté iranien, ils vont commencer à faire pareil. Puis si les Iraniens font pareil, les autres pays vont faire pareil. Puis nous, on a jusqu'à des propriétés, des possessions à travers le monde, on a des trillions de dollars. Donc, entre le bien d'une personne et le bien d'un pays, mais le choix est facile, c'est le bien d'un pays, tu sais, qui passe en premier. Fait que là, Steve Flatow, il savait pas quoi faire. Il continue à recevoir des appels téléphoniques d'un peu partout à travers les États-Unis parce que son cas était rapporté dans les journaux, puis il commençait à se faire connaître. Le monde disait, hey, en Californie, il y a une propriété qui appartient à l'Iran ou... En Oregon, il y a une maison qui appartient à des Iraniens proches du gouvernement. Puis il disait, ben, on peut pas rien faire. Jusqu'au jour où son avocat reçoit un appel d'un ancien officier américain qui s'est pas présenté, s'est pas nommé, mais il a juste dit, vous savez, avant 1979, l'Iran achetait des armes des États-Unis. Là, en 79, il y a eu la révolution en Iran. Le Shah d'Iran s'est fait détrôner. Ceausescu? Non, Ceausescu, c'est roumain, ça. Ah, c'est ben le Shah. Oui, oui. Puis c'est l'Ayatollah Khomeini qui est arrivé en 79. Puis là, les liens diplomatiques se sont complètement... ils ont complètement cessé. Sauf que l'Iran, à ce moment-là, avait fait un dépôt d'achat d'armes. Donc, il y avait 420 millions de dollars qui traînaient dans les coffres du Pentagone. Donc, là, Steve Flatow a fait « OK, parfait, on va aller chercher cet argent-là. » Puis là, le gouvernement a commencé à faire « Ouais, le gouvernement américain a commencé à faire « Ouais, OK, peut-être qu'on va vous permettre à vous donner un certain montant d'argent. » Steve Flatow, il a réussi à avoir 24 millions de dollars. Seulement 24 millions, sûr. Sauf que, étant donné qu'il avait fait connaître sa cause était connue partout aux États-Unis, il y en a d'autres qui ont commencé à également poursuivre l'Iran pour à peu près les mêmes raisons. Il y a deux frères, les Eisenberg, des frères Eisenberg qui avaient été tués également dans un attentat terroriste. Il y a un prêtre qui avait été torturé pendant 18 mois en Iran, aussi la suite famille à la victoire de lui, Steve Flatow. Fait que là, l'argent, le 420 millions de dollars de dépôt de l'Iran qui était dans les coffres du Pentagone a commencé à être distribué un peu partout à droite et à gauche à ceux qui avaient souffert des sévices de l'Iran. Ça, c'est en 2000, c'est arrivé. Fait que tout est réglé selon lui. Tout est correct. Parce que lui, dans sa tête, pourquoi il, je sais pas si je l'ai dit tantôt, la raison pourquoi il voulait poursuivre l'Iran, c'était pas juste pour poursuivre, mais pour les ruiner financièrement, pour plus qu'ils financent ces groupes terroristes-là pour qu'ils arrêtent de faire des attentats à travers le monde. Parce que ainsi, s'il y a plus d'argent, peut-être qu'il se dit, je vais peut-être sauver une personne, deux personnes, trois personnes d'attentats terroristes. Puis, à un moment donné, il s'est dit que ça doit marcher parce que l'Iran s'est plaint à la Cour de justice internationale de cet argent-là qui a soutiré du 420 millions de dollars qui était en dépôt, entre guillemets, dans les coffres du Pentagone. Ça, c'est en 2000. En 2015, Obama et l'Iran ont réussi à renouer les accords diplomatiques. Une des conditions de l'Iran, c'est qu'il arrête de faire sa recherche sur l'arme nucléaire. Ça, c'est pour leur... C'est une ressource énergétique. C'est tellement une mauvaise foi des Américains. Puis, c'était des négociations qui ont duré 2 ans. Et parmi ces négociations-là également, c'était que le 420 millions de dollars qui était dans les coffres de l'Iran, dans le Pentagone, reviennent dans leur poche. Et c'est ce qui est arrivé. Et là, Steve Flatow a fait... Moi, l'argent que j'ai soutiré, ça vient d'où? Et finalement, ça vient des payeurs de taxes américains. Ça vient pas de l'argent de l'Iran. Et puis lui, le but qu'il avait depuis le début, c'était de ruiner l'Iran pour qu'il arrête de financer des groupes terroristes. Mais tout ça, ça tombe à l'eau, finalement. Ce qui est ironique, c'est que probablement 95% des groupes terroristes, de l'ensemble des groupes terroristes dans le monde, sont financés par les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Canada. Ou la Russie. Canada. Ben oui. On a vendu des tanks à l'Arabie Saoudite. Et qui est le chum de l'Arabie Saoudite? Daesh. Donc, on est tous liés au groupe terroriste et c'est nous qui leur donnons leurs propres armes qui vont nous-mêmes nous tirer dessus. Mais je voulais juste faire une parenthèse. La matrice, on l'a tous vu? Oui. Vous vous la scène du chat, là? Non. La glitch? On voit le chat deux fois? Oui, oui, oui. J'ai comme eu un glitch, là. Tu n'avais pas parlé au podcast passé? Non, il l'avait dit après. Ah, OK, il avait parlé après. J'étais sûr que tu n'avais parlé au podcast passé. J'étais le même, j'étais en train de bad tripper, moi, là. Okay, non, ils avaient donné un avant-goût à nous deux, micro fermé. Ouais. Ben, merci Marc Latrémouille. Maintenant, c'est la chronique culturelle, la chronique culturelle. Hein? La merde et le bijou. Commençons par la merde. Piranha 2, Piranha DD 2011, qui fait suite à Piranha 3D, un film de le français Alex... Iglesias. Ouais, puis c'est ça, comme tu dis, ce film-là, il était quand même assez bon. Ouais, le premier était très divertissant, ouais. Là. Mais le gars qui se bouffait à graine. Hein? C'est un film porno, okay. Le premier, le gars qui se bouffait à graine. OK, mais ici, tu sais... Ouais. Porno. Oui, non, non, c'est un film pour ado. Non, mais ici aussi, mais je vais dire le résumé rapidement. Marie, une fille qui se nomme Marie, qui a des petits seins, est de retour dans le parc aquatique qu'elle possède avec son beau-père et découvre que ce dernier a remplacé les maîtres nageurs par des stripteaseuses aux très gros seins. Maddie découvrira que des piranhas rôdent dans les canalisations. Quand le parc ouvre au public, les petits poissons débarquent, dont un qui s'infiltrera dans le vagin d'une fille à son insu et qui finira par mordre le pénis qui s'y introduira plus tard. Oui, oui, oh non. Fait que dans celui-là aussi, il y a un homme qui se fait... C'est aussi crédible que Trump. C'est vraiment une merde. Le film, pour rallonger le film, qui dure même pas 1h20, on a évidemment un très long générique de fin. Puis la dernière séquence du film est inutilement filmée au ralenti. C'est ridicule. Le réalisateur, il a sûrement dit, ça n'a pas d'allure, notre merde dure juste à 1 heure. Il faut qu'on fasse de quoi. Fait que la dernière séquence est au ralenti avec une musique classique, ça n'a pas rapport. Puis il y a David Hasselhoff qui joue son propre rôle, puis qu'il y a plein de scènes ridicules avec lui. Là. C'est vrai, pis, wow. Ouais. Puis le seul trivia intéressant que j'ai trouvé, c'est que c'est un chihuahua qui fait les sons des piranhas. L'enregistrement d'un bruit chihuahua. Moi, c'est ma note, c'est 3.9 sur 10. Je trouve que t'es généreux. Non, la manière tu me l'as décidé. C'est la scène du vagin, là? Ouais, mais j'ai quand même dit qu'il y avait des stripteaseuses, là. OK, hein? D'accord. Au gros sein. Mon petit bijou, Split. Night Shyamalan, Split 2017. J'y vais rapidement avec le résumé. Kevin James McAvoy, l'acteur, a déjà révélé 23 personnalités avec des attributs physiques différents pour chacune, mais l'une d'elles reste enfouie au plus profond de lui. Elle va bientôt se manifester et prendre le pas sur toutes les autres. Poussé à kidnapper 3 adolescentes, Kevin devient, dans son âme et sa chair, le foyer d'une guerre que se livrent ses multiples personnalités, alors que les divisions qui régnaient jusqu'alors dans son subconscient volent en éclats. C'est Mr. Night Shyamalan, réputé pour ses punchs extravagants, surprenants. On a juste à se rappeler de ouais. Sixth Sense, il y a The Village, il y a The Sign... Sing, je veux dire, avec Mel Gibson. Que personne n'a rien compris. Il y a eu son heure de gloire, hein. Night Shyamalan, on le considérait comme un prochain Steven Spielberg. Mais on s'est trompé. Puis, il y a eu sa descente en enfer, hein, avec The Happening, The Last Airbender. La drogue. Que toi, t'avais aimé, The Last Airbender, en passant. Ben, t'as vu 6.7. J'avais aimé pour le style de film, mais en gros, c'était... Le film aussi, After Earth, avec Will Smith, Night Shyamalan, était tellement rendu bon dans ce temps-là qu'il n'y a même pas son nom, je pense, dans le générique puis dans les annonces. Quand le film a été... quand il y a eu les pubs du film... En effet, ça n'a pas été marketisé par son nom. Non. Puis, il n'y a pas très longtemps, Monsieur Night Shyamalan, il a fait un retour très soft, mais encourageant, avec le found footage de Visit, que je te conseille. C'est moyen, mais c'est quand même très, très, très bien. Mais c'est un film d'horreur? Oui. OK, cool. Suspense. Puis un found footage en plus. Juste avant de lâcher une bombe qui est The Split. Puis je vous le dis, le punch, le twist de ce film-là décroche les mâchoires de tous ses fans. Sauf toi. Moi, j'ai été un peu profondément déçu du un twist. Un peu profondément, c'est ça. Un peu, parce que le monde me disait, ou plutôt les gens que j'écoutais à la radio, disait « Allez voir le film au plus sacrant, parce que sinon, vous allez savoir la fin, puis ça va être gâché. » Fait que, bon, je dirais pas la fin. J'étais un peu déçu, sauf que je comprends tout à fait pourquoi il y en a qui ont sauté, puis justement, leurs mâchoires se sont décrochées. Shyamalan, il a réussi à retrouver sa touche en créant la surprise du siècle. Mais c'est-tu un twist pour relancer sa carrière en faisant une franchise? Genre, oui. Tu connais pas Night Shyamalan? Oui, j'ai vu le Sixth Sense, j'ai vu The Village. En tout cas, je ne briserai pas le punch. J'ai vu 5, c'est vrai. C'est les 3 seuls films que j'ai vus de lui. C'est quoi, t'as dit? T'as pas vu The Village? Oui, je l'ai vu. Okay, tu l'as dit. Merci de m'écouter quand je parle. Non, t'as dit Signs, j'ai dit Sixth Sense, The Village, puis Signs. Moi, je trouve que Sixth Sense, c'est un de ses meilleurs, là. Personnellement. Ouais. Avec un acteur fétiche, là, qui, qu'on voit dans beaucoup de films. The Unbreakable, c'est bon. J'ai aimé c'est qui joue dedans, là? Bruce Willis. Ouais. The Sixth Sense. Avec qui? The Village. The Happening, un film que les gens n'ont vraiment pas aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. excusez. Fait que... qu'est-ce que vous avez dit, vous autres, à part de ça? Ben, qu'il y a le temps. Il y a le temps, là. Ouais. Alors, on est en feu aujourd'hui, on a fait quasiment 7 à 8 minutes de plus que d'habitude. Bon, ben ok, d'abord, avant de vous laisser à ce monde pourri, hein, puis nous on va retourner à nos rats. Bon, on va vous laisser avec une bonne nouvelle qu'on va googler. Marc-André et moi, Google nous donne dans l'actualité. Oui. Bonne nouvelle. Ok, je fais ça, googler, et... Ah, c'est écrit, Sonia Benezra a annoncé une bonne nouvelle à ses plus fidèles admirateurs. Ah ouais? C'est-tu genre, dis-moi pas qu'elle va lancer une ligne de vêtements, genre, en mars prochain? Oui! Wow, cool! Oui, je trouve que son style audacieux et élégant, justement, a toujours influencé une génération de femmes des années 90. Mm-hmm. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas une bonne nouvelle, ça! Hey, ciao tout le monde!